Pourquoi se compliquer les choses lorsqu'elles peuvent être fort simples? C'est pourquoi la présentation de cette semaine sera courte et concise. La semaine dernière, c'était un spécial métal des années 80. Cette semaine, c'est un spécial des années 90. Voilà. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin. Surtout si la tendance à raccourcir les choses, généralement les choses qui servent à demeurer en vie. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, inculte. Cause fear is my fucking business. We are undead, incorporated. Cause hi, Pendragon, said so. Nothing's better than a half body. Go.

À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2-pour-1 sur la pizza. N'oublie pas non plus notre rabais midi de 10% de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Wi-Fi gratuit. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Visite lebotanpizzeria.com pour d'autres promotions. Du lundi au jeudi, Assemblage Requis vous sert un petit déjeuner complet. Au menu, des chroniques nutritives faites maison, des segments fraîchement préparés par nos chefs chroniqueurs et de la musique savoureuse. Deux pelletés de cornu pour commencer la journée la tête bien remplie. Est-ce qu'on peut faire moins d'analogies de déjeuner? Je te promets rien. Assemblage Requis avec Mathieu Plante et Stéphanie Paradis. Du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30. En direct à partir de 7h30. Ici Eve Landry, porte-parole de la 20e édition du festival Vue sur la relève. T'es un jeune créateur et tu as un spectacle professionnel complet à proposer dans n'importe quelle discipline des arts de la scène? Tu as jusqu'au 26 octobre pour le soumettre à vuesurlarelève.com. Vue sur la relève aura 20 ans en 2015 et a servi de tremplin de diffusion au premier spectacle d'Alex Nevsky, Vincent Vallière, Fabien Cloutier, Claude Pelgag, Fred Pellerin, Carquois, Virginie Brunel, Mes Aïeux, Mélanie Demers, Evelyne de la Chenelière, Emmanuel Jout, Simon Boulris et tant d'autres. Présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor, le 20e festival Vue sur la relève se tiendra à Montréal du 7 au 18 avril 2015. Fou de midi divertissant. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Je ne souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation en ce 16 septembre de l'an de disgrâce 2014. C'est la mi-septembre et dans 4 jours, ce sera la fin de l'été. Avant cette pause publicitaire, c'était notre première présentation de ce spécial 1990, n'est-ce pas? Qui était constitué de pièces et de groupes uniquement de l'année 90 proprement dite, soit Slayer, bien entendu, la pièce d'ouverture de Seasons in the Abyss, soit War Ensemble, paru sur Def American, Creator, et la pièce Agent of Brutality, que l'on trouve sur Come Off Soul, qui évidemment est paru en 90 sur Noise. Moi, personnellement, je dirais aller jusqu'à il y a 3 ou 4 albums en arrière. Creator, ce segment-là n'a pas été très intéressant pour moi, mais je conçois aisément, devrais-je dire, que cet album-là a été important dans leur discographie. Je ne dis pas que c'est un mauvais album, au contraire, parce que ce serait ridicule de ma part d'en avoir extrait une pièce, mais ce n'est pas le Creator que je préfère. Mais il est apprécié de plusieurs auditeurs et amateurs du genre. Juste auparavant, Testament. Testament est la pièce Falling Fast. C'est tiré de l'album Soul of Black. Soul of Black était le 4e album de cette formation américaine qui donne dans un trash metal, je dirais par moments un peu mollasson, mais il y a certaines très bonnes choses, mais pas juste bonnes, très bonnes choses qui ont été faites par Testament. Les derniers albums sont vraiment bien, je dois dire. C'est paru sur Atlantic, Entombed, et la pièce Revel in Flesh que l'on retrouve sur Left Hand Path, qui est paru également en 90 sur E-Rake, et nous ouvert avec Obituary. Obituary, la pièce Chopping Off, de là ma présentation, Nothing's Better Than Health Body, que l'on retrouve sur Cause of Death, album qui est le deuxième de cette formation américaine, deuxième parution de cette formation, qui donnait dans un death metal très traditionnel, aujourd'hui traditionnel, à l'époque un peu plus audacieux évidemment. On dit de monsieur Tardy, le chanteur, pas le batteur puisqu'il y a deux frères, qu'il est un des vocales marquants de la scène métal. Je le conçois facilement, évidemment. Il a une voix assez particulière et qu'il aura ainsi ouvert certaines voies à d'autres formations qui voulaient adopter ce style musical. Ceci étant dit, évidemment, l'émission d'aujourd'hui est consacrée entièrement, bémol, aux années 90. Nous allons explorer, nous sommes partis en 90 et nous allons nous arrêter en 99. Mais il y aura une petite parenthèse de cette bémol qui sera consacrée à un album de 2014 puisque c'était la sortie aujourd'hui du nouvel album de Cannibal Corpse, soit Skeletal Domain. Album dont je vous entretiendrai un peu plus tard dans l'émission. Et avec grand plaisir d'ailleurs, je dois le dire. J'ai aussi une portion cinéma, série télévision, dont je vais vous entretenir parce qu'il y a eu de sacrées bonnes choses que j'ai vues dans la dernière semaine et qui méritent amplement d'être vues. Peut-être des choses moins intéressantes, mais ça, c'est le lot de l'histoire. La semaine prochaine, je vous le dis d'emblée, tant qu'à être dans un mood de spécial de décennie, bien, on s'attaquera aux années 2000, bien entendu. Donc, sans plus attendre, allons retrouver certaines formations qui ont évolué entre 92 et 95, qui évoluent toujours pour plusieurs, pour la majorité. Mais des albums qui ont été tirés entre cette période de 92 à 95. Ici, je dois apporter une mention particulière au fait que ce que j'ai retenu ce soir sont évidemment majoritairement des choix qui me plaisent, on s'entend, mais aussi des choix qui pouvait être représentatif aussi de cette époque-là. Je pense à Sepultura. Je suis pas un grand amateur de Sepultura, mais on sait que Chaos AD a été un album marquant dans cette décennie-là au niveau de cette carrière, de cette formation. Donc, j'aurai un extrait pour vous. Donc, allons-y immédiatement avec une formation qui a, en fait, avec cet album, je dirais, remis le cap d'une façon assez certaine sur leur carrière. Il s'agit de Megadeth. On tout de suite avec Symphony of Destruction. Go! Like the Marion Eternal, besides birds, a reaction.

Trois-Rivières, c'est le 89.1. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Découvrez la magie de la Méditerranée à deux pas de chez vous au restaurant El Taouk. Cuisine libanaise, chiche taouk, shawarma, plats végétariens ainsi que spécial sur trio. Spéciaux étudiants. Surveillez les coupons rabais dans votre journal Zone Campus. Profitez de notre nouveau service de livraison. 840-6996. Le El Taouk, 3025 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Génie en liberté, émission d'actualité et d'information, maintenant en format 90 minutes pour plus de contenu, tous les lundis matins à 9h30. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2 pour 1 sur la pizza. N'oublie pas non plus notre rabais midi de 10% de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Wi-Fi gratuit. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Visite le botanpizzeria.com pour d'autres promotions. Fou d'artistes émergents. 89.1. Fear Factory, avant cette pause publicitaire, avec la pièce Self-Bias Resistor, que l'on retrouve sur la deuxième parution de cette formation américaine. Formation qui donne dans un cyber-metal, mais qui, initialement, avait donné dans un death metal un petit peu plus industriel, en fait, voire carrément death metal. The Manufacture, qui paru en 95, et j'étais évidemment présent lors de la, bon, pas lors de la sortie officielle de l'album, évidemment, mais je me suis procuré l'album à sa sortie cette année-là. Et je me rappelle très bien que dans les gens que je côtoyais à l'époque, c'est-à-dire une personne ou à peu près, ou peut-être même pas une complète, ça l'avait eu un certain impact et ça avait comme eu l'effet de remanier un peu la vision du métal. C'était relativement innovateur aussi, amener une dimension plus technologique, plus cybernétique au métal. Ce qui m'a bien plu et ce qui me plaît encore toujours aujourd'hui. Juste auparavant, nous avons Bolt Thrower, que dire d'eux? Bien, en fait, que la pièce était Lest We Forget, que l'on retrouve sur For Victory, un album de 94, qui était apparu sur l'étiquette Erake. Bolt Thrower qui existe depuis 1986 et qui n'a rien sorti de matériel original depuis 2005. Imaginez cet enfer, c'est en train de faire 10 ans bientôt. Ça existe toujours, Bolt Thrower, ils tournent encore toujours et c'est peut-être là qu'ils ont décidé qu'ils gagneraient mieux leur vie à tourner et à vendre la marchandise plutôt qu'à faire des albums. Bref, ils ont raison à la base, parce que c'est beaucoup moins payant que ça l'a déjà été de faire des albums, et de vendre surtout des albums, parce qu'ils s'en vendent beaucoup moins et pratiquement plus. Mais il reste que quand même, ils pourraient nous sortir quelques petits trucs à l'occasion. Histoire de nous retiser, de nous faire dire que, ben, c'est pas terminé. Sepultura et la pièce Refused Resist, pièce d'ouverture de Chaos AD. Que dire d'eux? Ben, que j'aime pas vraiment ça. Mais ça, c'est correct. Et Chaos AD, je trouve que c'est un album qui est correct. C'est paru en 93. sur Roadrunner. Sepultura, moi, personnellement, j'ai eu un petit engouement pour eux, peut-être quelques années, là, peut-être les deux, trois, quatre premiers albums, mais ça s'est rapidement estompé parce que je trouvais que c'était très redondant. Quoique, je dois dire que l'album Roots, il avait un peu réinventé, pas réinventé, mais il avait revampé leur recette. Ça avait donné quelque chose d'assez original. Aujourd'hui, la pièce Roots Bloody Roots, je la trouve encore très correcte, mais je n'écoute que très rarement cette formation. Merciful Fate, ça par contre, je trouve ça excellent encore. Merciful Fate est la pièce The Old Hawk que l'on retrouve sur In the Shadows, qui est paru en 93. In the Shadows, c'était le troisième album complet de Merciful Fate. Qui mettait en vedette, bien entendu, King Diamond. Aujourd'hui, l'on dit de Merciful Fate que la formation n'est pas inactive, la formation n'est pas séparée, elle n'est pas active non plus, elle est on hold. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment de statut proprement dit à accorder à Merciful Fate. On est ouvert avec Megadeth, la pièce Symphony of Destruction. Qui n'a pas connu cette pièce, qui ne la reconnaîtrait pas dans les amateurs de métal, je me le demande bien. Symphony of Destruction, que l'on trouve sur Countdown to Extinction, qui est paru en 92 sur Capitol. Je disais tout à l'heure que cet album-là avait un peu remis la barre très droite. J'avoue volontiers que pour en fait un quatrième album pour Megadeth, les trois précédents avaient eu une excellente réponse. Je me rappelle bien la sortie du premier album, c'est le cinquième album, Killing is My Business and Business is Good, qui avait été très révolutionnaire parce qu'on avait mêlé des éléments qui étaient un petit peu plus, entre guillemets, progressifs, un métal plus technique, si on veut. Cet album-là avait concerné certaines personnes parce qu'ils étaient habitués d'avoir quelque chose d'un petit peu plus in your face, un petit peu plus facile à digérer. Moi, j'avais trouvé ça excellent. Encore aujourd'hui, je trouve que la composition de Killing is My Business est vraiment, vraiment très originale. Évidemment, Peace Sells, Bottles Buying a été un franc succès pour cette formation, soit Megadeth. Ils sont allés chercher un public beaucoup plus grand. Ils ont amené leur style de métal encore ici quelque peu plus technique que ce qui pouvait se faire peut-être à l'époque, plus recherché, disons. Ils ont amené la barre un peu plus haute. Ils ont rassemblé, comme je le disais, beaucoup plus de fans avec des hits accrocheurs, des hits, des riffs pour le moins. So far, so good, so what. Moi, c'est un album qui m'a pas vraiment plu. Rust in Peace, correct, selon moi, mais il y a bien des gens qui l'ont apprécié. Mais j'ai préféré Countdown to Extinction en 92, je trouvais qu'il y avait une petite saveur un peu plus intéressante. Mais il reste une chose, et encore là, si je dois l'avouer tout à fait franchement, le vocal de Dave Mustaine m'a toujours franchement déplu. C'est encore la même chose aujourd'hui. Et les voir live, j'ai eu l'occasion de les voir live il y a peut-être 3 ans, et j'avais trouvé ça vraiment, mais vraiment plate. D'autant plus que, bon, comme on le disait à Rock Classic la semaine dernière, Dave Mustaine a reçu vraiment des conseils très avisés de son médecin qui, suite à une intervention qu'il avait eue au niveau cervical, bon, lui a déconseillé de continuer à être bagné. Ben, en ce qui me concerne, depuis plusieurs années, ça changera absolument rien parce que Dave Mustaine, il est de bagne pas, puis il est vraiment plate à voir. On a ouvert, c'est ça, comme avec Megadeth, effectivement, et ceci conclut ce deuxième bloc de ce spécial 1990. Allons maintenant faire un tour, une incursion côté cinéma et séries télévisées, parce qu'il y a eu des trucs quand même intéressants qui sont sur le point de sortir, mais que j'ai vu aussi. N'oubliez pas que le 19 septembre, cette semaine, c'est la sortie du film de Maze Runner, ou Le Labyrinthe, je crois, en français, qui n'a rien à voir avec celui de David Bowie, bien entendu, de Jim Henson aussi. C'est un film de science-fiction qui semblerait avoir certaines bonnes cotes pour les prévisionnements journalistiques. Bref, ça devrait être intéressant, en fait, ça devrait être divertissant. Chose intéressante, c'est qu'à partir du 12 octobre, AMC présente le début de la cinquième saison de Walking Dead. J'ai vraiment hâte de voir ça. La semaine prochaine, je vais commencer tout de suite avec ce que je vais vous parler. La semaine prochaine, il s'agit d'un film qui s'appelle Wear, W-E-R. Bien entendu, c'est le diminutif pour Werewolf. C'était un film d'horreur, de loup-garou, vous en aurez deviné, j'imagine, l'essentiel. Je ne peux pas vous en dire plus présentement. C'est un film qui semble avoir une bonne cote sur les sites spécialisés. Donc, la semaine prochaine, je vous en parlerai un peu plus. Une série que j'ai découverte, ben, pas vraiment sur le tard, là, la première saison de 2013, qui était dans, à peu près dans le milieu de 2013, si je ne m'abuse. Il s'agit de House of Cards, qui, bien sûr, c'est adoré par Château de Cartes, qui est une série fortement dramatique et politique et qui met en vedette Kevin Spacey, dont il est aussi un producteur exécutif, et Robin Wright. Et c'est... je n'ai pratiquement rien d'écouté à date, je vais être franc avec vous, je n'ai qu'une seule un seul épisode d'écouté et c'est vraiment excellent jusqu'à présent. C'est vraiment d'une rare qualité. Bref, ça raconte l'histoire de Frank Underwood, qui est un homme politique qui est très impliqué au niveau de la Maison-Blanche, ainsi de suite, et qui a permis au nouveau président de se faire élire par toutes sortes de magouilles qu'on ne connaît pas encore. Mais lui a eu la promesse de se faire nommer comme secrétaire d'État. Et lorsque les élections sont terminées, eh bien, la porte-parole directe du président des États-Unis le convoque dans son bureau et il s'attend à voir le président lui-même pour le rencontrer. Il a même déjà commencé à préparer certains papiers de projection, ainsi de suite, pour se faire dire que non, ce ne sera pas toi le secrétaire d'État, on a choisi quelqu'un d'autre. Il le ravale difficilement, mais se conforme, il dit, ce sont les volontés de M. le Président, eh bien, je vais les accepter. Mais dans son dos, il va commencer à fomenter et à manipuler toutes sortes de personnes et organiser toutes sortes de stratagèmes pour ne viser qu'un seul unique but, le grand siège. Donc, jusqu'à présent, House of Cards s'annonce pour être excellent. Je vous en parlerai plus longuement lors des prochaines émissions, jusqu'à ce que j'ai terminé la série. Un autre film que je tenterai de vous parler la semaine prochaine, il s'agit de The Pact 2, qui est un film d'horreur. Le premier avait été relativement intéressant, je dois dire, à la rigueur, distrayant. Cette fois-ci, par contre, ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'on parle d'une histoire de serial killer. Ça, j'aime beaucoup moins ça. Je trouve ça un peu poche et très redondant. Mais bref, je vais faire l'effort de le visionner pour vous en parler. Probablement la semaine prochaine, j'imagine. Des films fort intéressants qui sont à venir au courant du mois d'octobre. Il s'agit de Fury, un film de guerre qui met en vedette Brad Pitt et Shia LaBeouf, ou LaBeouf, appelez-le comme vous voudrez, qui est un film de David Ayer et qui raconte l'histoire de, en 1945, lorsque les Alliés sont leurs dernières incursions en Europe pour mettre fin à l'invasion du Troisième Reich, bien entendu, du nazisme. Il y a un dénommé War Daddy qui commande une équipe à bord d'un Sherman et qui décide, lui, de faire une percée dans les lignes ennemies coûte que coûte pour ralentir et le plus rapidement possible cette guerre. Et le char d'assaut s'appelle Fury. Donc, il semblerait que ce soit tiré quelque peu de certains faits réels. Donc, ça risque d'être intéressant. De toute façon, les films avec Brad Pitt sont rarement mauvais, je dois le dire. Généralement, il accepte des scénarios qui sont de qualité. Donc, c'est le 17 octobre, la sortie de en salle pour Fury. Film que j'ai vu avec grand bonheur, et je dirais avec... j'ai adoré découvrir ce film, voilà. C'est 13 Sins, qui est un film d'horreur, thriller, mais je dirais beaucoup plus suspense thriller avec quelques penchants horreur, qui met en vedette Mark Webber. C'est un film de Daniel Stamm que je ne connaissais pas du tout. Ça raconte l'histoire de Elliot, qui est un jeune homme qui a passé plusieurs années à l'université à faire un doctorat en histoire de l'art pour se retrouver dans des petits boulots qui sont, je dirais, très peu adaptés à ses compétences. Bon, des petits boulots pour être capable de boucher les fuites économiques de son budget. Sa conjointe est enceinte. Il est endetté pour 90 000 $ de prêt étudiant. Et on lui apprend que on le trouve très mauvais. Il est vendeur. On le trouve très mauvais comme vendeur malgré tous ses efforts et on le licencie. Donc, il se retrouve vraiment sans le sou. Et en plus, il doit s'occuper de son jeune frère qui est un handicapé mental et il doit subvenir à ses besoins qui sont évidemment médicaux et d'hébergement. Donc, il est comme un petit peu abasourdi, vous comprendrez. Mais il reçoit le téléphone anonyme d'une personne qui semble, selon la voix, en fait, être un animateur de show, de quiz. Et il lui dit, vous avez été sélectionné parmi 200 concurrents, vous êtes le gagnant, vous remportez la chance de participer à ce magnifique concours qui pourrait faire de vous un homme excessivement riche. Mais voici la première chose, vous devrez relever 13 défis. Ces défis seront choisis et dictés par téléphone au fur et à mesure lorsque le temps sera approprié. Et ça commence à dégénérer là, parce que bien entendu, vous vous douterez que les défis ne sont pas nécessairement toujours très, je dirais, légales, mais aussi très favorables envers les gens qui l'entourent. C'est très original, c'est très bien acté. On a même l'impression, c'est un film américain, mais on a même l'impression que c'est un film britannique par moment, tellement les images sont particulières, mais à la fois peu conventionnelles. C'est surprenant par moment. C'est même parfois sursautant, je dois dire. Le film commence d'une façon très crue et, ma foi, très déconcertante. Et on comprend plus tard pourquoi. Bref, c'est un film fort original, 13 Sins. Je vous le recommande énormément. Je lui ai donné un 8.5 sur 10 et ça le vaut amplement. Dans les films que le film que je vous recommande de revoir ou de découvrir cette semaine est un film de 2006 par Martin Scorsese ou Martin Scorsese comme selon bon vous semble, qui porte le nom de Departed, qui est un film de gangster, un film policier gangster qui met en vedette Leonardo DiCaprio. Tout à l'heure, je faisais le penchant en disant que les films avec Brad Pitt sont rarement mauvais. Eh bien, les films avec Leonardo DiCaprio sont rarement mauvais aussi. Qui met aussi en vedette Matt Damon et un vieux routier qui n'est pas sorti des coulisses il y a deux semaines. Il s'agit de Jack Nicholson. C'est vraiment excellent. C'est un très bon film. Il y a beaucoup d'intrigues dedans. Il y a vraiment beaucoup de gangsterisme, mais beaucoup de magouillage. C'est excessivement brillant comme film. Je lui donne un 9 sur 10. The Departed, je vous le recommande absolument. Maintenant, c'est peut-être le moment que plusieurs d'entre vous attendaient. Moi aussi, je dois le dire. Ah oui, c'est vrai, tout à l'heure, en ouverture d'émission, on avait Obituary, mais ne pas oublier que Obituary aura un nouvel album le 27 octobre prochain aux États-Unis. Inked in Blood. Donc, ça risque d'être fort intéressant de redécouvrir ce que les gars d'Obituary vont nous proposer, de même que le 10 octobre, nouvel album pour Exodus, et le 23 septembre, et je vous le présenterai la semaine prochaine, le nouvel album de Decapitated, Blood Mantra. Cannibal Corpse. 13e album studio pour cette formation américaine qui eux aussi font partie des pionniers du death metal. Formation américaine qui a pratiquement toujours été sur Metal Blade, donc sûrement une valeur sûre pour cette étiquette. L'album s'intitule The Skeletal Domain. Personnellement, mon meilleur album de Cannibal Corpse jusqu'à présent était Kill, quoique j'en trouve d'excellents à travers la discographie, principalement avec George Fisher. Cet album-là, Skeletal Domain, selon moi, est aussi bon que Kill. Je lui ai donné un 9.5 sur 10. C'est à la hauteur. Il n'y a pas de déception. C'est un bon album de A à Z. Si vous êtes un amateur, ça vous le prend vraiment. Il est disponible aussi en CD et en vinyle, LP si vous préférez. Disponible à partir d'aujourd'hui. Le mien est encore tiède. Donc, je vous ai proposé 4 pièces tirées de cet album Skeletal Domain, soit les 4 premières qui sont dans cet ordre High Velocity Impact Spatter, Sadistic Embodiment, Kill All Become et A Skeletal Domain, la pièce titre. Donc, enjoy it parce que c'est excellent. Cannibal Corpse, go! Embodiment!

On vient d'entendre quelque chose d'excellent, une nouvelle parution d'aujourd'hui même. Il s'agit de Cowl Corpse et l'album Skeletal Domain, le 13e album studio complet en carrière de cette formation américaine. Les pièces étant Skeletal Domain, pièce titre, bien sûr, Kill Become, Sadistic Embodiment et High Velocity Impact Spatter, qui sont respectivement les quatre premières pièces de cet album, auquel j'attribue un 9.5 sur 10, rien de moins. Autre album fort intéressant que je dois à la découverte à mon ami Sinistros. Il s'agit de la formation allemande. Oui, je crois que c'est allemande. Il faudrait que je vérifie. Mahat. Et l'album étant As We Create the Hope from Above, qui, selon moi, vaut amplement un 8 sur 10. C'est un death metal dans la même lignée que les Nile, que les Haid, Hour of Penance et compagnie. C'est du death metal conceptuel qui, bien sûr, ici, semble s'adresser à une ancienne civilisation de l'Antiquité. C'est vraiment bon. C'est vraiment, vraiment bon. C'est un death metal brutal, effectivement, mais c'est de très grande qualité. Côté spectacle qui pourrait être intéressant pour vous, eh bien, le jeudi 25 septembre au Club Soda, c'est Voices from the Dark. C'est l'édition 2014 qui met en vedette Belphegor, Rotting Christ, Beheaded et Svart Crown. C'est à 19h au coût de 21,74 et 26,09 plus taxes à la billetterie du Club Soda. Le retour de Deicide en compagnie de Septic Flesh, Inquisition, Abysmal Down et Karak Angren. C'est le vendredi 10 octobre prochain, 19h, au Théâtre Corona. Au coût de 25$ et 30$ taxes incluses, disponible à billetterie du Théâtre Corona. Elvity, en compagnie de Tyr et Metzatol, seront le samedi 18 octobre à 20h au Théâtre Corona également. Au coût de 25$ et 30$ taxes incluses. Et ici aussi, c'est disponible à billetterie du Théâtre Corona. Arch Enemy, Creator, Huntress et Starkill, lundi le 27 octobre prochain à 19h au Metropolis. Au coût de 30 et 43 et 34 et 78 plus taxes via Ticketmaster, billets VIP en vente sur le site de BCI. Et le Carnival of Death, c'est la version 2014 qui met en vedette Cataclysm, Suffocation, Jungle Rot, Pyrexia, Eternal Bleeding seront le lundi 3 novembre prochain à 18h au Foufounes électriques au coût de 22$ et 27$ taxes incluses. L'édition s'achève tranquillement, mais sûrement. La semaine prochaine, je vous le rappelle, c'est un spécial métal des années 2000. Peut-être, justement, peut-être que je ferai la petite présentation aussi de l'album de Mahat que je trouve vraiment excellent. Vous savez, dans les années, dans la fin des années 90, il y a eu une grosse vague de death metal, bien entendu. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été des formations qui se sont mis vraiment de l'avant avec leur qualité musicale. Mais il y a des trucs qui sont restés peut-être un petit peu plus inconnus. Je pense, malgré que le nom soit très connu, c'est un des majors de death metal, je parle de Morbid Angel, mais l'album Domination a peut-être eu une moins grande, je dirais, comment pourrais-je dire, presse peut-être qu'il aurait dû l'avoir. Évidemment, Domination ne mettait plus en vedette, en fait, il mettait, oui, en vedette David Vincent, mais c'était comme sur le bord de se terminer, là. Donc, peut-être qu'on sentait quelque chose. Quoique, moi, je trouve excellent cet album-là. Donc, dans ce bloc, je vais vous proposer, entre autres, du Deicide aussi, du Behemoth. Mais tout de suite, allons-y avec Morbid Angel, tiré de Domination, Eyes to See, Ears to Hear. Go! Vous aurez bien entendu reconnu Meshuggah et Almighty Meshuggah et la pièce Corridor of Calamines qu'on retrouve sur Chaosphere, encore, selon moi, un des meilleurs albums de cette formation, paru en 98 sur Nuclear Blast. Juste auparavant, nous avions Dayside et la pièce Serpents of the Light. C'est la pièce titre de cet album qui est paru en 97. Version Dayside, je dirais beaucoup moins puissante que ce qu'ils font maintenant avec Jack Owen. Bien entendu, ça sonnait un peu plus sec. Ça manquait de gras un peu. Et Morbid Angel, une ouverture de bloc avec Eyes to See, Ears to Hear, que l'on retrouve sur Domination, un album qui paraît en 95 sous l'étiquette Heroic Records. Selon moi, un des excellents de Morbid Angel. Peut-être un peu méconnu, mais vous auriez intérêt à l'approfondir parce qu'il est pratiquement tout bon, cet album. Ce que je voulais dire, c'est que normalement, quand on prend les bandes des années 90, il aurait été normal d'entendre des productions de loin supérieures à ce qui s'est fait dans les années 80, surtout au niveau du métal, parce que dans les années 80, quand le métal a vraiment eu une apparition proprement dite sur les marchés musicaux, les producteurs n'étaient pas habitués à ça. Donc, il y avait de la misère à faire la production au niveau de l'engineering, du son en studio. Donc, ça sonnait souvent un peu déficient. En 90, je crois pas que ça aurait été permis, mais il y en a plusieurs qui sonnaient vraiment pas très bien. Comme Dayside, c'était assez ordinaire. Heureusement, les gens se sont fait les dents sur ce style musical et puis ont été capables d'apporter une nette amélioration au niveau de la production. Juste assez de temps pour vous dire que la semaine prochaine, c'est le spécial Metal 2000. Ça fait drôle, c'est très stéréotypé de dire ça. Parce que dans les années 80, tout ce qui était 2000 était extra-futuriste. Aujourd'hui, c'est du domaine du présent. J'aurai probablement pour vous la présentation musicale de cet album de Mhat, soit As We Create the Hope from Above, qui est excellent et que je dois cette découverte à mon ami Sinistros. À peine le temps de se laisser avec une dernière pièce de Behemoth, qui est tirée de l'album Satanica de 1999, Ceremony of Shiva. Je vous retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, comme le dirait mon ami Gustave, qui est en punition, allez tous vous faire foutre. Go! Dans quelques minutes, la première présentation de l'émission Progression Chaotique. Restez-y. Ah!